une lutte pour te remarquer, une semaine envoûtée par ton charme. Une heure suspendue à tes lèvres, un an pour dépendre de toi. Toute une vie pour t'aimer, ouais. Chérie, c'est qu'il est Naomi, Chantal. Bébé, contagieuse, n'attends la séduction. Zoubo Mangaï, Maboko Nayo, Eldorado, Balèze, reste-tu fureuse. Kolika Baba, Galou, Foulakari, les autres conquérir. Chaque organe de rien, Zoto Mangaï. Pour un chaque étage, la zoussa, la multiplication. La demande Nayo, encore. J'en veux plus, encore. Crilo. L'amour plus question est la diplomatie. Plus jamais de vie d'amour comme un égoïsme. Le jour comme la nuit et comme un offre de ta présence. La vraie indépendance colonisée à la bacalène, la tendresse. J'en veux plus. Louise Seguin. Yahweh, Nala, Yahweh. Pauvre ma négré, un sentiment c'est plus qu'un passage. Et quand il y a son éternité, à bouling en Karine m'a conduit. Pendant le service, n'a qui pas gâté l'heure. Après c'est le service, la scène a qu'encore. Le besoin de toi plus fort que mon amour propre n'a qu'au quitté. L'amour est la soirée d'amour, t'es mon gars. Pour toujours, là je t'ai manié comme il coloré. Le jour comme la nuit, là comme un compte au matin, il y a sentiment. Patrick des gens. Là comme un cola, là comme un mouton. Je t'aime. Encore. Joseph Fierre. Je te veux plus. Encore. Sokoto Kaimbe. Toi qui la manie, Wata. Prouvez nos amis de la coquille des coquilles. Ça vous fait tout. Que t'es un beau désir, et pas à Chantal. Ils ont mérité pas une d'or et un festival de Cannes. Il va te bébé, il va. Ami Bembo. Encore. Gisèle Zina. J'en veux plus encore. Rodolphe Touma. Odenga Bakani. Oncle Ricky, ouais. Yeah. Vous dire. Notre papa, Pastor Mugalo. Nous allions à l'honneur, allions à Namboko. Et les comités, Il y a qui de réception sentie, mon nom, comme une attaque terroriste. Les choses de la partie stratégique. Ils en avaient fait de la vie, ils veillent de la crème de mon seuil. Jean-Claude Baïmé. Parlez au Chantal, comme on arrive à la gamme. Vous nos cafés, nos cafés. Moi, je vais en comme on en a eu. La chaoui, comme on en a eu. Laetitia Pelendo, Maman Bokele Junior, Benjamin Lyoba, Julie Membali. Je suis Dominique Kabengele.